Putain, qu'est-ce qu'il fout Coco là, mon frère? Vas-y, je sais pas, mon frère, j'espère il va arriver de SP. Voilà, c'est un truc de ouf. Ça, tu veux Bédard ou quoi? Je sais pas, c'est chelou de Bédard là. Eh, pourquoi il arrive en courant? Ah, vas-y, moi qui vais essayer d'arriver à lui, le moteur, allume le moteur. Cherche pas à comprendre, dans la première il faut qu'on décale. T'inquiète, tout décolle, mais le coco faut que tu restes calme. Pourquoi t'es trop d'esprit mon gars, dis-moi ce qui s'est passé. J'fais des mains basses, pépère quand la porte la veut casser. Bougez pas. Que des stars pour une descente des plus belles. J'en ai vu ski de 3 pour la tchap par local à poubelle. Wesh, t'as fait quoi du shit? Il est dans mon sac à dos. En gros, t'as pas fait du chiffre. Dans mon dos y'avait des sacs à dos. On passe par où? À 3 directions assistées, à 220 par an. Sans direction assistée, les gros faut faire taf et à tout prix cacher le tossement. Putain, ça va trop vite, j'ai rien compris à tout ça. Hein, t'inquiète pas, j'y pète. On va s'en sortir. Voici ma gueule accélère et prends la première sortie. Détendez-vous, je connais un bougie qui on peut coffrer ça. Le mec c'est pas une lobe ça et ça tous les refrains le savent. De toute façon c'est cool, je crois qu'on les a semés. Si on se fait péter de toute façon ça va assumer. Mais non, mon gars ils sont derrière notre cul. Et t'as les farces et tard, on se bat en mode nocturne. Course poursuite, c'est la course poursuite. Arrête-toi, couche-toi, j'en ai marre de se courir après les mecs comme toi. C'est la course poursuite. C'est la course poursuite. Arrête-toi, couche-toi. J'en ai marre de courir après les mecs comme toi. C'est la course poursuite. Le riff, vas-y pauvre, tire dans la caisse. Sinon ça sera gardable, dépose-lui et du head. Après 20 minutes de chasse et quelques accrochages, on est enfin chez le boy. On va pouvoir coffrer ça. Putain, qu'est-ce que tu fais? Réponds, casse les couilles là-dessus aussi. Je crois qu'il est pas là sa mère. Vas-y, comme par hasard on a besoin de la vis, mon frère, il est pâle. Vas-y, c'est un truc de ouf. Vas-y, on va aller où là maintenant, mon frère? T'inquiète pas, putain. Puis en plus, si c'est un bon, normalement, toujours il est là. Sinon, il fait le canard à cette heure-ci. Ouais, mais il fait le canard, mais là, il est pas là. Voilà, il y a les stars, vas-y, bouge pas, mon frère. Tu racontes, sérieux. Aïe, aïe, aïe. Viens. C'est chaud. Ok, je pars en courant et je saute le grillage. Cavale, la sueur sur le visage. C'est chacun pour sa peau et j'ai zette là sur les épaules. Pas moins que je reste là, mes épaules comme Fofana, faut que je décolle. Ça fait plus de 20 minutes que je suis en train de courir. Derrière mes fesses, c'est pour gronder, j'avoue, je retrouve le sourire. J'ai l'impression comme une meuf devant moi qui écarte les cuisses. Quand y'a les keufs, je crois le sang bête qui lui te carre les muscles. J'espère qu'il y aura pas de paix. J'espère que ça va pour Pompé. J'espère que ça va pour Dipé. J'espère que ça va pour Coco. Course poursuite, c'est la course poursuite. Arrête-toi. C'est la course poursuite. Poursuite. C'est la course poursuite. Arrête-toi, couche-toi. J'en ai marre de courir après les mecs comme ça. C'est la course poursuite. D'après une pente en despi, faut que je trouve un subterfuge. 2000 BPM en écoutant, j'ai vu des trucs qui fusent. En scratch, je planque le sac, mon cuir et ma skate car. Je repars l'air de rien, sans mettre plus loin, je suis bloqué terre pas. Ça va, je les ai semés, c'est le principal. Alpa Selec, RERB, direction marcipale. Vas-y, réponds. Vas-y, dis quoi là. Ouais, vous êtes dans un message de coucou. Mais non, t'es pas sérieux là. Vas-y, réponds, vas-y, réponds. Ah, si. Oh, allô. Ouais, J-Ben, voilà, ça fait grave zizir t'avoir enfin. Vas-y, t'es où là, mon frère? Vas-y, là, tu sais quoi, vas-y, je suis un des petits, tu vas me chercher ou quoi, gros? Vas-y, j'arrive direct, mon frère. Putain, il s'est fait sauter, j'ai le démon. Mais non, c'est bon, moi je sais qu'il donnera pas des noms. Viens, on va se caler chez toi, se mettre à l'abri. Diffen, c'est trop la crime, on n'a pas dormi de la nuit. Il est 8h dans la défonce, on s'endort. Ils ont dû serrer le sac, à mon avis, pour lui c'est mort. C'est mort, c'est mort. Putain, vas-y, poups, casse les couilles ton téléphone, sa mère la pute. Wesh Poups, hey, c'est Coucou là, hey, t'es où là? T'es chez toi ma gueule? Je suis chez J-Ben là, t'es où là mon frère? Vas-y là, je suis en garde, vas-y là, viens me chercher ma gueule, t'inquiète. C'est ça, là, vas-y mon frère, on arrive, vas-y à tout de suite. Aïe aïe aïe. Vas-y J-Ben là, vas-y réveille-toi mon frère, chez Coco là. Quoi, il est où Coco? Vas-y là, il sort de garde mon frère, viens on va le chercher. Viens on y va. Wesh ouais, Coco là, je pensais quoi alors là? Ah ma gueule, je me suis fait péter mais j'étais avec l'autre bolos là, ce bouffon, mais il a rien bière, t'inquiète. Sûr il a rien bière? Ah t'inquiète ma gueule, c'est bon. Ok, bah vas-y, c'est du bon, mon gros. Bah sinon, hey, il est où le cus? J'ai fait sa propre, mes fringues et les sous sont derrière l'entrepôt. On va tout prendre vite fait, on rentre, pépère entrepôt. Attends, t'en plein, tu revois, j'ai de voir un mec qui me doit 20 eux. T'es défoncé ou quoi? Avec sa mère, je peux pas être un deux. Arrivé sur les lieux, on se gare en mode sauvage. L'endroit est désertique et de ce fait, ça nous soulage. Bref, on est sain et sauf, tu punisses ma rue, tout se finit bien. Sauf que le cus, il avait disparu. Disparu, disparu, disparu, disparu, disparu.